Deuxième livre des Chroniques, chapitre 4. Il fit aussi un autel d'airain de 20 coudées de long, de 20 coudées de large, et de 10 coudées de haut. Et il fit une mer de fonte, de 10 coudées depuis un bord jusqu'à l'autre, ronde tout autour, et haute de 5 coudées, et un filet de 30 coudées l'environnait tout autour. Et au-dessous il y avait des figures de bœufs, qui environnaient la mer tout autour, 10 à chaque coudée, il y avait deux rangs de ces bœufs, qui avaient été jetés en fonte avec elle. Elle était posée sur 12 bœufs, 3 desquels regardaient le septentrion, 3 l'occident, 3 le midi, et 3 l'orient, et la mer était sur leur dos, et tout leur derrière était tourné en dedans. Et son épaisseur était d'une paume, et son bord était comme le bord d'une coupe à façon de fleur de lys, elle contenait 3000 battes. Il fit aussi 10 cuviers, et en mit 5 à droite, et 5 à gauche, pour s'en servir à laver. On y lavait ce qui appartenait aux holocaustes, mais la mer servait pour laver les sacrificateurs. Il fit aussi 10 chandeliers d'or selon la forme qu'ils devaient avoir, il les mit au temple, 5 à droite, et 5 à gauche. Il fit aussi 10 tables, et les mit au temple, 5 à droite, et 5 à gauche, et il fit 100 bassins d'or. Il fit aussi le parvis des sacrificateurs, et le grand parvis, et les portes pour les parvis, lesquelles il couvrit d'airain. Et il mit la mer à côté droit, tirant vers l'orient, du côté du midi. Hiram fit aussi des chaudières, et des racloirs, et des bassins, et acheva de faire tout l'ouvrage qu'il fit au roi Salomon pour le temple de Dieu, savoir deux colonnes, et les pommeaux, et les deux chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les deux raies pour couvrir les pommeaux des chapiteaux, qui étaient sur le sommet des colonnes. Et les 400 pommes de grenade pour les deux raies, deux rangs de pommes de grenade pour chaque raie, afin de couvrir les deux pommeaux des chapiteaux, qui étaient au-dessus des colonnes. Il fit aussi les soubassements, et des cuviers pour les mettre sur les soubassements, une mer, et 12 bœufs sous elles. Et Hiram son père fit au roi Salomon, pour l'usage du temple, des chaudières d'airain poli, des racloirs, des fourchettes, et tous les ustensiles qui en dépendaient. Le roi les fondit dans la plaine du Jourdain, en terre grasse, entre Sukkoté le chemin qui tend vers Tséréda. Et le roi fit tous ces ustensiles-là en si grand nombre, que le poids de l'airain ne fut point recherché. Salomon fit aussi tous les ustensiles nécessaires pour le temple de Dieu, savoir l'autel d'or, et les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, et les chandeliers avec leurs lampes de fin or, pour les allumer devant l'oracle, selon la coutume, et des fleurs, et des lampes, et des mouchettes d'or, qui étaient un or exquis, et les serpes, les bassins, les coupes, et les encensoirs de fin or. Et quant à l'entrée de la maison, les portes de dedans, c'est-à-dire, du lieu très saint, et les portes de la maison, c'est-à-dire, du temple, étaient d'or.